Thank you. portugais, c'est vraiment nul. Mais moi, je vais aller rejoindre les marmottes. On reprendra cette chanson, il va falloir que je l'écoute. Comme ça, je pourrai la chanter la prochaine fois que tu me la joueras. Ta-da! Have a good night, everybody. Good night, Monsieur Mokol. Bonne nuit, double basse. And see you soon. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.